Bienvenue dans le podcast du blog Moptimize.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moptimize. Je vais en profiter pour souhaiter encore une bonne année à tous ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Voici le premier épisode, vrai épisode de l'année. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller sur le blog moptimize.com pour voir le bilan de l'année 2016. Allez écouter le dernier épisode du podcast où j'ai parlé de mes objectifs pour 2017. Et si vous en voulez encore plus, dans le dernier podcast ReLife, on a fait un épisode plutôt hors série. Sur lequel on parle justement, on fait nos bilans, parler un petit peu de nos objectifs à quatre voix. Donc allez l'écouter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, en anglais, qui s'intitule « Ego is the Enemy » par l'auteur Ryan Holiday. C'est un livre qui m'a été donné, offert par Mike, que vous connaissez aussi sous le pseudo Side sur Twitter, qui est animateur de podcast, des podcasts Nip Sales et Nip Tech. Et donc, il avait parlé dans la partie inspiration de ce livre et du livre précédent du même auteur, de Ryan Holiday, qui était The Obstacle is the Way. Et donc, il avait précisé qu'il avait offert ses livres à certains de ses confrères et qu'il en avait encore, donc il avait proposé si des gens étaient intéressés de leur envoyer. Donc je m'étais fait connaître et donc il m'a gentiment envoyé le livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce livre. Donc ce livre parle de l'ego qui est l'ennemi à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous. L'ego est décrit de trois façons. L'ego est une croyance malsaine de votre propre importance. Ensuite, l'ego a tendance à saper les efforts que l'on fait pour atteindre le but que l'on s'est fixé. Et pour avoir une note plus positive, et le but aussi de ce livre, c'est que l'ego peut être géré et dompté. Donc je ne vais pas aller forcément trop dans le détail dans ce livre. Je vais vous en tirer cinq grandes idées. Et puis ensuite, j'ai 3-4 petits points sur lesquels je vais parler un petit peu plus. Donc les grandes idées, la première, c'est qu'à chaque moment de notre vie, on est à une des trois étapes qui est soit on aspire à quelque chose, on tend vers un but, soit on a atteint ce but et on a atteint le succès, ou alors on est dans une phase où on a échoué. Donc on peut voir ça comme quelque chose de circulaire, dire que typiquement quand on sort de l'école, voilà, on aspire à quelque chose jusqu'à atteindre le succès, et puis le succès étant ce qu'il est, à un moment ou un autre on va se retrouver dans une position d'échec de laquelle il va falloir sortir pour retourner dans la partie, je dirais, aspirer à quelque chose, avoir un but. Voilà le postulat du livre au début. Et le livre est divisé en trois grandes parties, dans la partie plutôt où on aspire à quelque chose, la partie succès et la partie où on a échoué. Et donc l'auteur parle un petit peu de ces thématiques, des pièges que nous tend notre ego dans ces situations-là, et de qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'étape suivante ou pour rester à cette étape, si c'est une étape de succès typiquement. La deuxième grande idée, c'est qu'il faut cultiver l'humilité, la diligence, la conscience en soi, si on veut supprimer cet effet de l'ego qui va avoir tendance à nous faire un petit peu dégringoler de notre piédestal. La troisième idée, ne faites pas semblant en attendant de le faire, mais faites-le. Donc là, on est typiquement sur une des notions, ou peut-être une des croyances de life hacking, qui est « fake it until you make it ». Et donc là, l'auteur prend un petit peu le contre-pied en disant C'est bien de faire semblant en attendant d'y arriver, mais il faut aussi, il faut surtout faire les choses. C'est aussi une bonne façon de pouvoir y arriver. Le quatrième point, ayez votre propre définition du succès. Votre définition du succès n'est pas la même que celle de vos voisins, que celle de vos collègues, que celle des gens que vous voyez à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Donc ayez votre propre définition du succès pour atteindre ce succès et pour y rester et voilà, et avoir aussi de l'humilité. Il peut y avoir des petits succès qui sont très très bons pour soi. Et le dernier point, restez un étudiant. Étudiez, apprenez toujours, tout le temps. C'est ce qui vous permettra d'avancer, d'atteindre vos buts et de continuer et d'y rester. Sur la partie aspiration, une des parties qui m'a bien plu, c'est le chapitre Talk, Talk, Talk. On a tendance à beaucoup parler. Typiquement, quand on a décidé de faire un régime, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On va le poster sur Facebook, c'est très très bien, mais plus on passe de temps à parler, plutôt que de passer du temps à parler de ce qu'on va faire, et ben, ça serait bien d'utiliser ce temps justement à le faire. Donc c'est voilà, on en revient à l'idée que j'ai déjà abordé, soyez celui qui réalise ses rêves plutôt que celui qui en parle à longueur de journée mais qui ne les atteint jamais. Voilà pour la partie aspiration. Pour la partie succès, j'aime bien la notion qu'il est facile de croire qu'on est le meilleur lorsqu'on a atteint le succès, qu'il y a eu une sorte de force supérieure qui a voulu qu'on réussisse. C'est toujours, quand on a du succès, c'est toujours facile de transformer la réalité et de dire non, c'était facile. J'ai fait ça facilement et je suis le meilleur. Alors que finalement, si vous avez eu du succès, c'est quand même qu'il y a eu des efforts. Et si on veut rester sur une partie, si on veut rester dans la sphère, je dirais, du succès, si on ne veut pas être détrôné, faut rester humble, méditer sur l'immensité, pour vraiment voilà vous dire, je ne suis qu'un petit grain de sable au pied, je dirais, de la dune du Pilat, étant moi sur Bordeaux, mais ou un simple grain de sable dans le Sahara, et également éliminer l'arrogance. L'arrogance est voilà très très liée à l'ego, et donc c'est très facile de tomber dans certains de ces pièges et de se laisser aller, d'arrêter d'apprendre, d'arrêter de faire les efforts qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et donc, si on ne maintient pas tout ce qu'on a fait pour en arriver là, il y a un moment ou un autre où on va se retrouver, dépassé, on va prendre des mauvaises décisions, une ou plusieurs, et on va basculer dans la partie échec, ou comme on va pas continuer à apprendre et à se maintenir là où on est, il y a une concurrence, quelqu'un d'autre qui lui aura fait les efforts pour vous dépasser. Et sur la partie échec, il y a une notion assez intéressante de temps utile et de temps mort. Donc l'auteur prend typiquement l'exemple de Malcolm X, qui a été emprisonné et qui aurait pu utiliser son temps de prison, on parle quand même de 8 à 10 ans, d'utiliser le temps de prison pour préparer sa revanche, pour faire les listes des personnes qui lui ont fait du mal, et voilà, mais lui, il a choisi d'utiliser ce temps pour absorber des connaissances en religion, en politique, dans les personnages célèbres. Et au final, une fois sorti de prison, ça a quand même fait de lui un leader afro-américain. Donc voilà, et il y a cette notion de temps utile ou de temps mort, de choisir à quoi vous passez votre temps pour atteindre vos buts. Voilà une bonne partie pour le livre. Les choses qui vraiment moi m'ont plu, c'est l'approche du livre. Il y a beaucoup d'exemples historiques, beaucoup d'anecdotes sur des personnages plus ou moins célèbres, alors probablement plus ou moins célèbres pour moi, j'en reviendrai sur juste après. Et c'est un livre qui est également très facile à lire. Moi je trouve que c'est un livre qui, comme il aborde ces trois étapes d'aspiration, de succès et d'échec, ça va, il y a forcément des moments qui vont résonner en vous et qui vont vous faire réfléchir, vous dire j'en suis à telle étape dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle ou sur ce projet. Ça peut aussi être sur un projet que vous avez. Est-ce que je suis plutôt en phase d'inspiration, est-ce que voilà, j'ai atteint le succès, est-ce que le but c'était de courir un marathon, j'ai couru un marathon, est-ce que voilà, ou alors est-ce que je suis plutôt dans une phase d'échec. Donc c'est un bon livre pour réfléchir là-dessus, prendre un peu de recul sur ce qu'on est. Au niveau des choses qui m'ont un peu moins plu, c'est très centré américain, c'est-à-dire que beaucoup des personnages présentés avec des anecdotes sont des personnages américains. Alors autant quand c'est des personnages historiques, on arrive à suivre. Je dirais typiquement en n'étant pas américain, tous les personnages qui sont plutôt des coachs sportifs et des choses comme ça, c'est un peu plus difficile d'accrocher parce qu'en Europe on n'a pas la culture du coach sportif et la connaissance de ce coach là dont il est question. Donc voilà, ça peut être des périodes du livre où c'est plus facile de décrocher parce que on est moins, voilà, on se sent peut-être un peu moins concerné. Dans les choses, c'est un livre qui est pas traduit en français, donc navré pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou qui se sentent pas forcément suffisamment à l'aise. Là c'est pas forcément une recommandation pour vous. J'ai essayé de vous en tirer l'essentiel, mais c'est un livre où même pour en avoir plus, il faut vraiment le lire. Et dans les dernières choses un peu dérangeantes avec le livre, c'est que souvent les idées sont très très générales et c'est pas un livre qui va vous détailler la réalisation. Donc c'est un argument qui se pèse dans les deux sens, puisque le but quand même du livre, je pense, est de vous faire réfléchir et prendre du recul. Il y a pas de recette pour ça. Néanmoins, le livre décrit quand même certains piège que notre ego va avoir tendance à poser sur notre chemin, et c'est vrai que là-dessus on a des idées générales sur comment s'en sortir ou comment l'éviter, mais voilà, des fois c'est un peu, ça manque peut-être un petit peu de détails. Et je voulais finir, vous irez voir dans les notes de l'émission, je vous ai mis un certain nombre de liens, alors ils sont tous en anglais comme le livre, j'ai pas trouvé d'articles sur internet plus en français sur ce livre, donc des liens sur quelques leçons tirées du livre, ça va reprendre un petit peu ce que je vous ai dit. Il y en a un avec le livre, avec quelques questions plus sous l'angle du management, deux liens qui vont vous sortir des extraits du livre, donc des fois c'est des petites choses qu'on peut piocher. Et ensuite, il y a un podcast un podcast de Tim Ferriss qui interview Ryan Holiday. Donc un podcast très très très très intéressant, très très agréable à écouter, également en anglais. Et deux petites versions vidéo sur YouTube avec des petits dessins, des petits doodles en lien et en commentaire sur le livre. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'émission cette partie. Et pour finir, je vais reprendre une des idées également qui est développée dans le livre, c'est ce qu'il appelle l'effet canevas. Et donc ici, typiquement dans un nouvel emploi, en stage, soyez celui qui assiste les autres, qui facilite les autres dans leur réussite, que ça soit vos collègues de travail, que ça soit votre manager, que ce soit la direction, en étant dans cette position d'assister, ça vous permettra d'observer l'organisation de l'entreprise. Ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses, de comprendre le fonctionnement, de comprendre un petit peu qui tire les ficelles et comment ça se passe. Ça vous permettra de faire des erreurs au fur et à mesure que vous apprenez, que vous vous formez. Et en étant dans ce côté plutôt assistant des autres, vos erreurs auront un impact moindre, et surtout en n'étant pas la personne la plus visible de l'entreprise, vos erreurs seront aussi un peu plus discrètes et ça ne ternira pas trop votre image. Ça vous permettra également de pas trop être en situation d'être pas trop sur le devant de la scène et donc dans ce cas votre ego aura un peu moins de grains à moudre pour se développer et ensuite, mais ça ne doit pas être un but en soi, mais d'aider les autres à ce que eux réussissent, ça restera quand même toujours dans leur tête à un moment ou à un autre, et il peut y avoir un retour d'ascenseur, typiquement cet effet, cette façon d'être a été illustrée dans le film Le Diable s'habille en Prada, où la personne devient l'assistante de la grande critique de mode, c'est très très difficile, mais elle apprend beaucoup beaucoup de choses, et la conclusion finale est quand même que la personne qui est au-dessus d'elle va regretter quand elle part et sera quand même là et lui proposera son aide ou son appui pour trouver autre chose, pour trouver un autre emploi ou pour passer à une autre étape de sa vie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé et que je vous aurai donné envie de lire le livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Et moi je vous dis à très bientôt.